Hier, je vous parlais du manque de justice. À ce propos, excusez-moi, mais il est de mon devoir de vous révéler un événement qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs nuits. Il me fut raconté par mon amie française d'Italie. Elle vit au nord-est, dans la partie industrielle du pays. Là-bas, la plupart des travailleurs sont des immigrés clandestins. Les patrons ne veulent pas régulariser leur emploi pour éviter de payer les impôts obligatoires à l'État. Voilà ce qui est arrivé près de la maison où habite cet ami. Un de ses ouvriers fut victime d'un accident grave. La nuit, il fut transporté sur une route, près d'un fossé. Là, on l'abandonna, puis là, il expira. Ainsi, les gens ont pensé qu'il avait été victime d'un accident de la circulation. Ainsi, le patron de l'usine a évité de payer des frais d'hospitalisation et l'amende pour avoir employé un étranger en irrégulière situation. Ainsi, le gouvernement ferme les yeux et ne fait pas d'enquête de vérification. Détail. Ce patron, accompagné de sa famille, va à la messe tous les dimanches matins. Et on sait qu'il vote pour un parti nommé Lega Nord, Ligue du Nord, qui veut jeter hors du pays tous les étrangers, mais, précision, pas ceux qui ont de l'argent. Non, seulement les pauvres, accusés d'être sales et méchants. On leur reproche, en plus de voler le travail des autochtones, comme déjà mentionné, d'accaparer leurs femmes. Déjà, dans le passé lointain, les autochtones avaient ce problème entre eux, d'un village à l'autre. Un dicton le prouve, « Dona e buoi, dai paesi tuoi, femme et vache, prends-les de ton terroir. » En vérité, les seules, je veux dire les femmes, pas les vaches, qui s'intéressent à un pauvre étranger, confessent d'avoir été tellement déçues par leurs concitoyens qu'elles espèrent trouver ailleurs un homme capable de les estimer et de les aimer. Cependant, l'homme d'ailleurs, la plupart de ces femmes le voudraient bénéficiaire d'un compte en banque. Or, la majorité des EC disposent à peine d'une planque où cacher leur misère. Ici, ce qui compte le plus pour les gens, c'est d'avoir un compte monétaire bien fourni. On peut même trouver une banque qui s'appelle Banco di Santo Spirito, Banque du Saint-Esprit. Ah ah, eh oui! J'ai voulu connaître le motif de ce mélange incongru entre religion et argent. On m'a toujours répondu de manière onctueuse « Les vie del Signore sono infinite »« Les voies du Seigneur sont infinies ». Comme je suis une personne qui privilégie la simplicité et l'évidence, j'ai pensé « Le mystérieux ne réside-t-il pas au contraire dans les voies du cerveau humain assoiffé de gains aux dépens des autres ?» Cette réflexion a porté un ami italien à me conseiller d'aller suivre un cours de catéchisme. « Il est gratuit », m'a-t-il précisé. « Hum, ai-je pensé en moi-même, en ce monde, les choses proposées gratuitement, il faut d'abord en découvrir la réelle intention. » À ce propos, j'ai visité la Mecque des chrétiens, la basilique Saint-Pierre. Bien que je ne sois pas de cette confession, j'ai voulu entrer dans un lieu consacré à une personne que j'ai toujours estimée profondément, parce qu'elle avait choisi son camp, être pauvre parmi et pour les pauvres. Pourtant, à l'intérieur, l'endroit regorge d'or et de choses précieuses, brillantes, opulentes, qui tapent à l'œil, jusqu'à l'éblouir par tant de faste et de magnificence. En outre, la construction est si haute, si impressionnante, si ostentatoire, si imposante, si écrasante, que je me suis senti un moustique, dérisoire. J'attendais la simplicité émouvante et l'accueil chaleureux, ceux qui caractérisaient le fondateur de cette religion. J'ai trouvé le compliqué et j'ai eu peur. J'en fus très choqué. Est-ce parce que je suis un EC, incapable de comprendre la conception de la religion dans les pays riches ? Un prêtre m'expliqua que tout cela a été édifié à la gloire de cet homme, humble, simple et pauvre que fut le Christ. Alors là, je n'ai rien compris. Je me suis rappelé que ce dernier, généralement pacifique et doux, avait de manière colérique chassé les marchands du temple de Jérusalem. Une demande surgit en moi. qu'aurait-il fait en visitant cette basilique qui étale si orgueilleusement ce avec quoi il serait possible de construire tellement d'hôpitaux, là où il manque. Observant un autre site célèbre de la ville, le Colisée, ma première pensée fut qu'auraient pensé les martyrs chrétiens, dévorés par des lions affamés, et qu'auraient dit les esclaves, contraints à s'entretuer comme gladiateurs. En effet, imaginez, vers l'an 3000, des touristes qui visiteraient le camp d'extermination d'Auschwitz et s'exclameraient « Voici un monument de la civilisation allemande ». C'est ce que, aujourd'hui, devant le Colisée, les touristes déclarent « Voici un monument de la civilisation romaine ». Moi, je n'y vois qu'un sanctuaire de la barbarie. Possible que, là encore, ma situation de C m'empêche de discerner ce qu'est la civilisation. Face à ce monument, j'ai éprouvé uniquement de la honte pour les spectateurs qui y admiraient les sanglants crimes, de l'amertume contre les assassins qui les organisaient avec cynisme, une profonde pitié pour les malheureuses victimes. L'amie qui m'accompagnait, celle que j'ai déjà citée, m'a déclaré, avec un gentil sourire, « J'espère que je ne te fâcherai pas si je te dis que ton jugement à propos du Colisée est un peu excessif. » J'ai simplement répondu à l'excès de souffrance, l'excès de jugement. Elle a désiré un éclaircissement, je l'ai donné. Devant ce monument qui est pour les autres une majestueuse arène, je m'identifie spontanément aux gladiateurs et aux martyrs qui y ont souffert. C'est avec leurs yeux que je vois cet édifice. Et comment puis-je le voir, sinon monstrueux? J'ai conclu d'un ton qui se voulait plaisantin, sans l'être. Je suis un touriste, dont le cœur guide toujours les yeux, et mon esprit lui a donné une règle bien définie. Sois toujours du côté de ceux qu'on humilie. Ma chère amie fit une remarque. « Tu me rappelles un pays du Moyen-Orient, le Qatar. Quand les gens iront prochainement jouir des matchs de football, penseront-ils à tous les travailleurs immigrés qui ont construit le stade, avec leur sueur et leur sang, pour un salaire de misère et des conditions de travail d'esclaves ? J'aime beaucoup cet ami. Nos cœurs et nos esprits se correspondent harmonieusement. Ah ! J'ai oublié de vous dire comment je l'ai connu. J'étais dans une salle d'hôpital où je rendais visite à l'épouse marocaine d'un compagnon. Elle devait accoucher, mais elle était très inquiète du fait qu'elle ne parlait pas l'italien. Une infirmière s'en approcha, constatant que la femme au lit était marocaine, elle lui parla en français, déclarant qu'elle était d'origine française et vivait en Italie. Mais la femme enceinte, une paysanne provenant d'un village du Maroc, isolée en montagne, ne comprenait pas cette langue. Alors, la nouvelle venue prononça quelques mots en arabe. La Marocaine et moi en furent très surpris, très agréablement surpris. L'infirmière a prononcé juste une dizaine de mots, mais ils eurent un effet magique. Les yeux de la patiente s'illuminèrent, elle respira avec soulagement, et sa langue se libéra. Elle proféra quelques mots en italien, des mots qu'elle savait, mais avait honte d'employer. L'émotion apparut sur nos trois visages. La femme enceinte était touchée de se trouver en présence d'un ange compatissant sous forme humaine. L'infirmière était remuée d'avoir su donner du courage à une humble émigrée. Et moi, j'étais réjouie de constater la force et la beauté de l'empathie et de l'échange entre les deux femmes. Voilà comment, dans cette salle d'hôpital, ont eu lieu deux accouchements, celui d'un charmant bébé et, entre la Française et moi, une belle amitié. À présent, c'est le milieu de la nuit. Je suis trop fatiguée. Le sommeil me prend. Mes yeux se ferment malgré moi. Je continuerai cette lettre demain soir.